Et on démarre cette troisième vidéo avec l'équipe de Road to Hellfest pour parler de nos immanquables de la journée du samedi cette fois. Les gars, je sais pas si vous avez cette fois un commentaire pour le lancement de cette troisième journée. Non, ça fait toujours plaisir Bonjour. d'être là. Il fait bon, la température est agréable. Il fait bon Vrai. chez vous, dites-moi, dans le sud. Nous, on crève de chaud. Ah ouais, à ce point-là déjà. Ouais, déjà, Déjà. ouais. On a passé les 30 degrés aujourd'hui. Ah voilà, Voilà. encore un mauvais choix de vie. Alors que chez nous, il fait bon. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, donc le principe de cette petite vidéo, c'est de donner chacun un immanquable de la journée. Donc le but, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais si vous commencez par celle du samedi, faut bien le rappeler, c'est que chacun on donne un immanquable à nos yeux de cette programmation du Hellfest du samedi. On évite les têtes d'affiche et les sous-têtes d'affiche de toutes les scènes. Et globalement, on parle pas trop des main stage parce qu'ils ont quand même des expositions médiatiques supérieures aux quatre autres scènes. Voilà, donc c'est pour les grandes lignes. Et on continue dans le même ordre avec Bob qui va pouvoir nous parler immédiatement de son groupe de cœur du samedi. Alors, mon groupe de cœur du samedi, c'est Urne. Voilà. Qui passe. Il passe où, Urne, déjà? En Où altar. est-ce qu'il passe, Urne? En Il altar. passe en Altar, tout à fait. Donc, c'est le troisième groupe de la Altar. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Donc, c'est un groupe de sludge metal, principalement, formé en 2016, groupe anglais de Londres. Voilà. Ils ont de mémoire deux albums. Trois. Ouais, c'est ça. Deux excellents albums. Que dire de ces trois gaillards c'est puissant, c'est profond, c'est sombre. Voilà. J'aime beaucoup. C'est une grosse découverte, ça fait moment qu'on a découvert ce groupe, mais franchement j'ai vraiment envie de les voir. Je ne sais plus si je l'ai vu en plus Salpien. Je crois que oui. Je crois que oui. Mais alors justement, je ne sais plus. Et bah c'est l'occasion de d'être sûr. Voilà. Et oui, Pour moi, d'être pour sûr me des dire je vais enjeux. les. Là, si tu Voilà. les vois, tu fais une croix sur ta main, au moins, il n'y aura pas de risque derrière, tu t'en souviendras. Voilà, c'est ça. Complètement. Urne cochet. Mais ouais, non, franchement, faut aller voir Urne. Je pense que ça va être un très très bon moment musical. Il y a un côté assez progressif aussi dans leur sludge, quand même, Bob, non? Ouais, Qui justement vient un peu trancher avec le sludge un peu plus classique habituel. pardon. Je sais pas. Complètement. Et parce que c'est riche aussi ce qu'ils proposent, hein. Ils se limitent pas non plus qu'à leur truc, quoi. T'y vas, tu prends une claque, enfin, c'est un énorme groupe. On a un des plus grands fans de France, qui est justement dans notre commune, à savoir FMK, qui ne cesse de dire d'aller écouter Urne, d'aller voir Urne, qui fait partie comme premier soldat de l'armée des fans, qui a permis justement au groupe d'être remarqué par le Hellfest, parce que c'est un groupe qui a été vraiment acclamé sur leur Discord et qui maintenant est programmé un peu aussi à cause d'eux, quoi. Ça, et puis c'est quand même Grâce. un groupe qui monte Aussi, ouais, aussi. sacrément. Et puis leur dernier album a quand même été produit par Joe Duplantier de Gojira. Enfin, il y a. Ça, c'est Enfin, un détail. C'est un tout le détail, monde. ça. Non, mais tout le monde voit que c'est bien, quoi. Ouais, non, mais c'est pour ça, Voilà. oui, non, mais ça a été dit par le Hellfest, hein, que ça a été ils ont entendu les gens qui n'ont pas arrêté de leur dire. D'accord. Après, Joe Duplantier, je sais pas ce qu'il fait, moi, donc je peux pas vous dire. Mais... Je sais pas. De Je la connais musique, pas. je crois. Il n'est pas sportif. Il n'était pas au JO. Attention, hein, je la fais pas à moi. Natation. Non, c'est pas nageur. Peut-être. Oui, et ben moi, Urne, c'est pareil. Je vous suis totalement. En plus, Non, mais en fait, il passe, pour tout vous dire, il passe à Toulouse au mois d'août. Je comptais déjà aller les... au mois de septembre, je sais plus. Enfin, je comptais déjà aller les voir lors de ce concert-là. Mais je pense que je ferai facilement le doublé, à savoir Hellfest puis concert en salle, parce que bah, ça fait partie des groupes que j'ai découvert, ouais, il y a quelques années maintenant et qui. Peut-être grâce à FMK d'ailleurs, c'est possible. Et que ouais, j'aime vraiment ce qu'ils ont proposé dans leurs deux albums. Donc bah, très envie de les voir, très envie de passer cet excellent moment avec eux. Voilà. Donc je te suis à fond, Bob. Je te rejoins. Moi aussi sur le potentiel doublé parce que je me tâte d'y aller à Paris, moi. Ah, tu vois? Putain, il passe en fin d'année aussi. Parce que c'est quand même autant on peut kiffer tout ce qu'on veut au Hellfest. Il y a certains groupes, des fois, tu as envie de retourner les voir en salle pour une autre expérience. Et là, c'est tout à fait le groupe qui peut s'y prêter aussi, quoi. Totalement, totalement. Jack, je crois que c'est à toi. Eh ben, je vais pas faire dans l'originalité parce que je vais encore une fois parler d'un groupe qui ouvre la matinée. Et encore une fois, un groupe français, à savoir avec Vestige, qui a été un autre énorme coup de cœur comme Warm Sand de cette année, de grande découverte. Et tu vois, ce Vestige, c'est aussi un groupe que j'aurais beaucoup, beaucoup aimé interviewer. D'ailleurs, je désespère pas de le faire. En fait, il faudrait que je demande au groupe, peut-être, pour que ça se fasse. Directement, ouais. Ouais, non, mais c'est... Et des fois, la vie... Hein, chose. Donc, c'est un groupe qui est quand Ouais. même très, très jeune en termes de mise en place, puisqu'ils sont formés en 2022 sur le postulat de Théodore Rondeau, qui en fait était dans un moment un peu déprimé, parce qu'à la base c'est un musicien plus ou moins de studio et de groupe, enfin c'est un, voilà, il était plus musicien dans un groupe, il était chanteur, et il a vécu une rupture à ce moment-là qui a été très difficile, et en fait il a transformé toute cette tristesse et souffrance en musique, et c'est exactement en espèce de shoegaze mélangé avec des touches de djent, un peu de black metal, de post-metal, il y a tout un truc en fait. Et ça vient vraiment de lui, quoi. Et moi, quand je l'ai écouté Vestige, je l'ai vraiment pris en pleine gueule directement, quoi, en mode waouh, c'est comme si on avait mis en musique un truc que je ressentais à l'intérieur, qui était enfoui, quoi, au fond de moi. Il a vraiment réussi un truc mémorable de ce côté-là, et ça a été un énorme uppercut dans ma face, et j'ai adoré. Et je trouve qu'avoir réussi à transformer tout ce ressentiment-là en justement quelque chose. De cette qualité-là, c'était incroyable, quoi. Donc c'est vraiment une énorme découverte pour moi, Vestige. J'ai vraiment adoré. Et je sais que je voulais dire un autre truc en plus et que je l'ai oublié. Ah oui, musicalement, ça peut un peu faire penser par certains côtés au côté un peu planant, aérien de Alceste. On peut s'y retrouver un petit peu et ça tombe bien parce que justement, ils sont copains avec Neige et il y a même un duo sur une chanson où Neige vient chanter avec le groupe. Bref, c'est un immanquable de malade pour moi, un groupe français à soutenir et une énorme découverte. Donc, ils joueront sous Altar et je serai bien sûr devant car j'ai méga, méga, méga adoré. En fait, c'est facile de savoir si j'aime un groupe comme ça. Je me dis, est-ce que j'achèterai l'album? La réponse est oui. Normalement, j'aurais déjà dû le faire, mais comme pour leur demander une interview, j'ai pas pris le temps. Écoute, de mon côté, Vestige, c'est pareil, ils m'ont bien convaincu. C'est dans les groupes français que j'ai vraiment très envie de voir sur cette édition. J'ai peut-être été légèrement moins touché par le côté sensibilité pure que toi tu as exprimé. Mais le global de leur musique m'a quand même vraiment plu. Donc, bon, c'est pareil, sous Altar, dès 10h30, c'est parfait. Bob, de ton côté, Vestige, je crois que tu l'avais aussi Bon. noté un peu en Ouais, positif. complètement. Ah, vous avez dit, hein. Voilà, c'est rien à rajouter. Je serai devant aussi. Une belle découverte aussi pour ma part. Donc voilà. C'était aussi un groupe de la semaine hein, quand on l'a eu dans le podcast. Vraiment, qui a été, on a tous adoré quoi. C'est pas très original quand c'est des groupes de telle qualité aussi. Oui, Et des bah évidences après, quoi. faut bien parler aussi, et ça fait encore plus plaisir quand c'est Tout à fait. français et que ça c'est un début de journée, donc c'est vraiment c'est ces groupes-là qu'il faut mettre en valeur au maximum, Tout à justement. fait. Tout à fait d'accord. Bah de C'est mon vrai. côté, je vais vous parler d'un groupe qui n'est pas français mais américain, C'est pas grave. qui pourtant s'appelle Agricultura. De nom, on aurait pu croire. Je crois que c'est un des C'est vrai. premiers groupes qui a fuité sur l'affiche pour cette édition. Eux, ils joueront en temple de 15h10 à 15h55. Leur style, c'est du black gaze, du post-metal, du black metal. On mélange un peu le tout et ça donne agriculture. À la différence d'un Vestige qui est aussi post-metal ou même d'un Alceste, que pour citer notre représentant français le plus connu, là la batterie elle est vraiment à fond, à fond, à fond. Ça tape très fort. La voix elle est hurlée en permanence, y a un message de presque un peu de souffrance à faire passer. Je trouve dans la façon dont ils font les choses. Mais en même temps, et c'est là la grande force du post-metal et du black gaze, c'est qu'il y a des mélodies au niveau des guitares qui viennent en fait totalement équilibrer leur musique. Et on a un déchaînement de violence d'un côté et un côté très beau et harmonieux en même temps de l'autre. Et le tout se marie très très bien. Moi, ça a vraiment été une de mes très très grosses découvertes de cette édition. En plus, encore une fois, je vais citer le Roadburn, mais ils y sont passés, je crois que c'était l'an dernier. Et sur des styles un peu post-metal, le Roadburn, c'est vraiment leur spécialité. Totale confiance en eux là-dessus. Et encore une fois, moi, de ce que j'en ai écouté, il y a toutes les raisons d'en parler. J'avais fini en prenant une petite comparaison avec, on va dire, un peu Alceste d'un côté, mais qui est quand même bien plus violent. Et pour citer Defeven, qui est aussi programmé sur la même journée. Par contre, ils ont un côté moins expérimental, je trouve, que Defeven, qui eux se permettent de partir des fois un peu dans tous les sens. Agriculture, il y a une ligne directrice, on tape Ouais, fort, c'est on crie tout fort. droit, hein. Tu gardes une certaine beauté. Voilà, c'est un de mes très gros coups de cœur de l'année. Bob, je Ouais, sais pas, ou Jack, peu importe. Allez-y. moi je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Agriculture, on avait beaucoup aimé déjà dans le podcast, c'est aussi une grosse découverte. Mais on va dire que comparé aux autres groupes, en fait, un peu comme à l'image de Viande, c'est un groupe qui a déjà commencé à beaucoup faire parler de lui, quoi. Et c'est vraiment. Il est déjà dans les groupes qui est très, très, qui sont déjà en train de monter assez fort et assez vite. Et effectivement, quoi, c'est une espèce de rouleau compresseur et que de ce côté-là, où c'est très, très bien, Agriculture. Tu as dit le principal, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter, en fait, sur. Je suis juste totalement d'accord avec toi de tout ce que tu as dit. C'est vrai, en fait. J'ai bien aimé. En fait, si tu veux, en fait, tu pourrais prendre, en plus, ta comparaison avec Vestige et Alceste de l'autre côté, qui sont sur un autre plan, mais c'est vraiment, je suis, non, agriculture, c'est très bien aussi. C'est très, très, très, très bien. Bob. C'est vrai. Non, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Après, c'est vrai que comme tu dis, ça tabasse, quoi. Ah oui. Ça tabasse fort. Faut aimer, hein, vraiment, quand c'est hyper violent comme ça. Mais voilà, moi, c'est pareil, je serai devant, hein, il y a de grandes chances. Hein. C'est vrai que belle petite découverte aussi, quand même. Oui, je sais que le groupe a été évoqué à plusieurs reprises sur votre Discord et il y a vraiment deux écoles, mais je crois que même Tona y avait été lui totalement hermétique Complètement dehors. au sujet Ouais, complètement. et il y a Exact, c'est pas d'autres compris. personnes qui ont eu la même sensation là où nous ça a trop bien marché sur nous quoi. Ouais. Non, mais c'est marrant justement de voir que Alors, je fais un parallèle, mais qui n'est pas logique, mais enfin, qui n'est pas si simple que ça. Mais quand on voit un groupe comme Vestige qui a beaucoup moins, comment dire, qui a créé beaucoup moins le changement d'opinion divisé, et ben là, Agriculture a vraiment créé une division entre les gens et j'ai même un peu de mal à comprendre pourquoi. Donc, et ça doit être peut-être, je sais pas, Le niveau de violence, je pense quand même. Ouais, peut-être. Mais en fait, moi, en fait, je vois bien que musicalement, c'est violent, mais je ne la ressens pas comme étant de la violence directe. Et ça, je ne le ressens pas comme ça, en tout cas. J'entends que c'est de la violence, mais je le prends pas comme ça. Écoute, je te laisse la main pour nous parler des groupes qu'on va à mentionner parce que bah, y a d'autres choses qui sont très belles sur ce samedi. Donc. Mais ouais, grave, là, donc je vais essayer de ne pas en prendre 30 000 parce qu'il n'y a pas besoin. Je vais commencer tout simplement par The Midnight Ghost Train, qui est un putain de groupe, il y a un truc que je comprends pas dans ma vie. Bob m'a fait écouter et découvrir beaucoup de choses, et pas ce groupe. Donc, est-ce que tu connais Bob, ce groupe? Ben non, justement, je connais pas. Mais C'est peut-être en pour fait, ça. donc, alors, regarde, non, non, mais je te l'annonce, ce groupe, il est plus que pour toi. Non, non, Ok. non, mais. Non, je C'est rigole pas. gentil, Non, mais ça va être un. je l'accepte, merci. Parce qu'en fait, moi, j'en ai pas parlé avec toi de la saison parce que, en fait, c'était une évidence que tu connaissais parce qu'en plus, ils ont déjà passé en 2015. Et quand j'ai écouté ça, je me dis, c'est impossible qu'ils connaissent pas. C'est impossible, mec. C'est trop bien. C'est passé complètement en dessous de mes radars, tu vois. Et ben, tu peux aller écouter le premier titre là après l'émission et tu vas me dire, oh putain, le con. Tu Eh ben, vois. je vais faire ça. Parce que c'est vraiment un groupe pour toi, donc c'est du stoner, mais le chanteur déjà est capable de tout chanter. Et c'est incroyable. On a fait une capsule avec Tonight dessus, et moi, ça a été un énorme coup de cœur. Et en plus, musicalement, il s'empêche rien. Il y a même un morceau avec un rappeur. Le mec, c'est la voix, quoi. La voix de ce mec, elle est incroyable. Et musicalement, en plus, ça fonctionne trop bien. Et ça a été vraiment une découverte. En fait, je ne l'ai même pas mis dans mes groupes. Genre un manca parce que j'étais persuadé que t'allais en parler quoi. Vraiment. Eh C'est ben Bob le groupe quoi. C'est Bob le groupe. Vraiment, je peux pas te dire mieux. groupe. Bob's groupe. Donc Le voilà, déjà il y a ça. sur la photo du Hellfest, sur l'appli du Hellfest, le gars au milieu, alors je sais pas si c'est le chanteur ou autre, il a un faux air de Tonight, c'est incroyable. Alors, putain, je me souviens plus de la photo, mais c'est possible. Mais non, non, non, je crois pas. Non, je crois que le chanteur, il doit être un peu à côté. Ouais, bah celui du Si je dis milieu pas de là. conneries. Évidemment, je mets une petite pièce sur My Sleeping Karma, hein, qui revient après le de leur batteur et donc qui déjà est un groupe incroyable musicalement et en plus qui est en train d'essayer de revenir, enfin qui est pas en train d'essayer de revenir, mais qui revient. Quand je dis essayer de revenir, c'est parce que c'est toujours difficile quand on perd un membre historique comme était le batteur. Et donc, bah c'est Sleeping Karma, quoi. C'est trop bien, quoi. Groupe principalement musical, instrumental, et qui se permet vraiment de nous proposer quelque chose avec des petites origines indiennes de temps en temps. Enfin bref, c'est grandiose, c'est magnifique. Tu l'as dit tout à l'heure, mais évidemment, Defeven. Ça, je pourrais te le laisser, Nico, mais moi aussi, j'adore Defeven, j'aime Je l'avais depuis. même pas noté parce que je savais Ah que ouais. t'allais en parler. Donc Ah ouais, non, ça fait partie de mes découvertes historiques faites dans le podcast, où à l'époque, où la dernière fois ils sont venus, j'avais vraiment adoré, alors que pour moi, ça ne faisait aucun sens. J'écoutais pas forcément ce style-là à cette époque-là. Et ça m'avait vraiment mis une patate, ce mélange-là de black. De black gaze quoi qui est vraiment qui était une découverte ça m'a ça j'étais pas fan de black je connaissais pas le black gaze j'ai pris ça direct et ça m'a touché ça m'a touché donc j'ai adoré en plus le dernier album est hyper réussi j'aime beaucoup parce que comme en plus comme tu l'as dit tout à l'heure ils ont un petit côté expérimental où ils se refusent pas de tenter des trucs ils s'enferment pas que dans leur style allez on va tenter ce truc là on s'en fout voilà c'est pas grave si ça ils se permettent des choses, tu vois, et c'est ce que j'appelle en fait une vraie carrière de groupe, c'est-à-dire quand ils sont pas entre, ils refont pas toujours le même album, quoi. Ils sont capables de proposer d'autres choses, et c'est cette diversité qui donne tout ce sel à ce groupe que j'ai beaucoup aimé. Donc non, non, Def Even, c'est trop bien. J'essaye de pas tout prendre, j'espère que Bob va prendre les bons. Mais je mettrai quand même une petite pièce sur Turnstile aussi pour le dire, parce que pour le côté hardcore pop, moi je les avais vus à l'époque en 2017 ou 2018, je crois que c'était en 2018. Ils n'étaient pas venus en 2022, parce qu'ils avaient négocié, ou en 2023, je ne sais plus, un des deux, 22, parce je qu'ils avaient crois. négocié le salaire. Ah, pardon? 22, je crois que 2022? c'était sur la maxi édition. Voilà. Et que, en fait, ils étaient annoncés. Puis après, ils ont dit, notre album, il cartonne, hein, c'est plus cher. Et le Hellfest a dit, non. Voilà. Donc, ils sont quand même revenus et c'est très cool. Et en plus, l'album à venir, qui est vraiment dans la continuité de ce qu'ils font maintenant, à savoir ultra mainstream, ultra pop, avec en même temps toujours un fond de hardcore qui vient ramener par-dessus, j'ai quand même très, très, très envie de voir ce que ça peut donner sur une Warzone où ils ont l'habitude de faire autant de grands concerts à distance. Parce qu'il faut savoir que dans les grands festivals, tu as une distance entre la scène, la barrière et le public. Et eux, les autres concerts où ils font, où c'est vraiment collé au public et ça monte de partout sur scène, ça saute. Enfin, vraiment, c'est un bordel sans nom. Et j'ai un peu envie de voir à quoi va ressembler le bordel en Warzone. Est-ce qu'il va être contenu? Est-ce qu'il va être ouvert? Parce qu'on a déjà vu des groupes en Warzone qui ont envahi la scène. Donc voilà, je me demande un petit peu comment. J'ai la curiosité de me dire, est-ce que ça va bien fonctionner? Ça va fonctionner dans le pit, c'est sûr. Mais j'ai un peu cette curiosité-là de le voir. C'est marrant parce que tu vois, pour moi, ça serait un groupe qui devrait plus être en main stage maintenant. De la façon dont ils sont constitués, de la façon dont ce qu'ils proposent comme musique, je pense que ça collerait limite plus en main stage aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais bon, après, je suis pas hyper fan, moi. Mais. Après, tu sais, une Warzone ou une Main Stage, quand il y a un nom comme Turnstile, les gens vont venir, donc Oui, mais ça va pas changer justement, à mon avis, grand-chose. ça va dégueuler de partout, la Warzone. Ouais. Ça va être le cas, mais je reste curieux de ce que ça va donner. Et, je sais que c'est un petit groupe que j'aime bien quand même. Donc, voilà. Bob, Bob, faut que tu donnes tes groupes. est-ce que tu as des groupes à nous donner? Bon, j'en ai quelques-uns, effectivement. Ah, c'est chaud le samedi. J'aurais par exemple. Hein? C'est chaud le samedi, hein. Il y en a vraiment beaucoup des groupes. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ouais, on pourrait même citer une liste carrément à la va-vite, comme voilà, du genre Spectral Wounds que j'ai bien aimé, Lunar Tomb en Temple, The Ocean, en Aldar. Ouais, il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. Stone Jesus, qu'on a vu, et franchement, ça vaut vraiment le coup parce que c'est très très cool. Russian Circle aussi en Valais, pareil, en tête d'affiche justement de la Valais du samedi. Très très bon groupe aussi. Bah oui, Mars Red Sky. Du coup, The Midnight Ghost Train. Howard aussi, hein, qui ouvre la vallée. C'est assez énergique, c'est plutôt cool à voir. Parce que musicalement, ça peut pêcher un peu, mais les ayant vus justement au Lunatic, les ayant découverts au Lunatic, je trouvais ça plutôt cool, assez énergique. Les mecs remplissent bien la scène, c'est plutôt sympa. Punk Warzone, je dirais The Chisel, pour ma part, j'ai trouvé assez cool. Après, bah, main stage, si, Freak Kitchen, on peut pas voir quand même. Voilà. Après, je vais vous en laisser quand même. Ça fait quand même déjà pas mal. Oh, c'est pas mal. Mais ouais, ça fait une petite liste plutôt sympa. Ouais, bah, et tu vois, et moi je vais venir encore avec d'autres noms qui sont pas. Alors, sur certains, je vous rejoins, sur d'autres, j'ai été moins convaincu. Mais en même temps, j'ai encore une liste hyper longue de groupes qui, moi, m'ont convaincu. Bah, je commencerai avec Triglav qui passera sous la Temple. Qui fait du black metal mélodique, si je me souviens bien. Toujours en temple pour finir là, il y a Grima qui m'intéresse pas mal, mais eux, la popularité est en train de monter très très fort. Ils viennent de Russie, si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est du black C'est assez lourd, c'est pas mal. Là où j'ai eu des Je bonnes surprises, trouve alors, pardon, vas-y, dis-moi. assez. Bah, c'est le côté masque en bois, je ne sais pas trop, Oui. le grima. Ouais, bah Tu vois, alors, pour bah, il y a aussi du visuel, quoi. voilà, bah alors, c'est pas forcément sur le visuel que je saute tout de suite, mais déjà sur, enfin, moi c'est musicalement déjà dans un premier temps que ça m'a plu. Effectivement, s'il propose quelque chose de visuel en plus sur scène, ben bah, très bien, on y va. Mais voilà, c'est déjà moi la première chose sur laquelle je m'arrête sur les groupes, c'est déjà de les écouter et de voir si musicalement ça peut me plaire. C'est pas, Ça voilà. apporte un petit truc en plus, quoi. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, ce que je disais aussi, c'est que pour une fois en Warzone, là où c'est pas forcément l'endroit où je mets le plus les pieds, il y a quelques groupes qui m'ont vraiment bien plu. Donc Nasty par exemple, qui est bon, bah, du hardcore, voilà, c'est très très bah, c'est du hardcore très efficace. J'ai vraiment beaucoup aimé. On peut perdre son nez, Ouais, attention. ah, je pense que ça peut être dangereux, ouais. Et mais Nasty pour le coup je connaissais déjà un petit peu. Par contre la découverte que j'ai faite là sur cette édition, c'est Defeater. Qui est sous tête d'affiche de la Warzone et qui est en fait un hardcore mélodique. Et ben Tout à fait. vraiment, j'ai été très très surpris par ce qu'il propose et vraiment très convaincu. Donc, oui, on me verra même en Warzone de mon propre chef le samedi. Donc, c'est assez rare. Et après, oui, je vous rejoins sur les. The Ocean, Urne, voilà, Sûr. ces groupes-là, voilà. Ah, excuse-moi Nico, t'as pas Dis-moi. cité Perséphone? Ben non, parce qu'en fait, je vais déjà les voir au mois de novembre sur un festival. Attends, à quelle occasion Nico, tu peux nous en Attends, dire deux mots? tu collabores régulièrement avec Eric de Aux Portes 2, non? Oui, c'est à l'occasion d'un petit festival ariégeois dont on est partenaire depuis 3 ans maintenant, le Metal Fest 09. Félicitations. Merci, merci. Oh. Mais donc, oui, je pense que tu vois, sur cette ligne-là, même si c'est Perséphone qui avait ma priorité, j'irai par exemple voir Conan parce que. Bah, vu que je vais déjà voir Perséphone en salle, je suis pas sûr, tu vois, de vouloir doubler la mise là-dessus. J'entends. Voilà, bah, écoutez, moi j'ai fait le tour. Je sais pas si vous avez fait le tour de tous vos petites Oh vos bah petits coups de cœur. ouais je pense hein. J'aurais pu rajouter Stick Guns qui a été une découverte très sympathique, mais en dehors de ça ouais on a fait le tour pour ma part en tout cas. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour le samedi. On va se retrouver de suite sur le dimanche. Et encore une fois, le vendredi, le jeudi, c'est déjà disponible. Allez, on y va.